Clément. Bonsoir Tenaille. Bonsoir Jack. Ça va? Ça va. On super a été très long bien sur les autres, je voudrais qu'on soit rapide sur celle-là. Ok. On y va? Ça marche. Avant de commencer, ouais, pour te faire plaisir, parce que je sais que t'apprécies. Le petit cling-clong. Petit cling-clong. Bah allez, ça sera le seul et unique de la semaine. Bien sûr, parce qu'il faut pas croire. Non, bah non. Tu me diras, faudrait pas qu'on se fasse attraper par ceux qui ont inventé le concept. Oui, exactement. Tu me diras, au fait, si... S'il est bon ton café? Mon cappuccino, ouais. Ton cappuccino. Ouais. Je m'attendais à ce que t'aies de la mousse sur la moustache. Ah, tiens, il y a de la visite. Ouais, t'as de bête. Il est embêtant, lui. Il arrive à ouvrir les portes. Non, mais il s'est rendu compte, t'as vu. Ah, il devrait peut-être pas être là. Je suis en train d'arriver à un mauvais pas bienvenu, c'est ça? C'est ça l'idée. On va parler d'un nouveau groupe. Ouais. Et ça me fait plaisir de retrouver pour en parler parce que ce groupe-là, quand même, une petite particularité, c'est qu'on t'en avait beaucoup parlé oh, avant. Oh, ça, oui. Celui-là, tu en as entendu moult et moult fois oh, parler. Ah, c'est oui pas parcimonie qui t'a saoulé avec ça plus d'une fois? Saoulé? Non, tout de suite les grands mots. C'est vrai, ce que je dis, non, c'est non un peu saoulé. Non, non. Non? Non. Ok. Bon, ben, j'ai cru. Donc, c'est un groupe qui est déjà... Bon, on va pas perdre de temps. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit générique pour ce groupe? Ah ouais, alors... Pour ce groupe? Pour cette capsule. Pour cette capsule, pour bah, cette capsule, excuse-moi. Bah, écoute. Oui, ok, bah écoute, total impro. Ok. Hey, Jack! Oui, Tonaï. On est lundi? Non, on n'est pas lundi! Non, on n'est pas lundi! On est mardi? Non, on n'est pas mardi! Est-ce qu'on serait-il pas jeudi? Oui, on est hey, jeudi! Je t'ai bien eu, ouais, hein? Je suis passé du mardi au jeudi. Alors je te fais le générique du jeudi. Jeudi! Générique! Alors je te fais le générique du jeudi. Générique! Générique. Les gens, ils vont croire qu'il a été répété ben tellement il était non, carré. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai montré quand même un peu de générique à des gens. Il dit, franchement, votre duo, il marche bien. Bah ben ouais, c'est clair. C'est fluide. Je suis obligé de le reconnaître. Ouais. Je suis obligé de le reconnaître. Donc, on va parler d'un groupe qui est déjà venu au Hellfest plusieurs fois. Venu en 2007, en 2009, en 2015 et en 2022. Waouh. Ouais. Et je suis sûr, ils ont fait plein d'autres festoches aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Et c'est un nom qu'on voit partout. Et à ton avis, ouais, moi qui ai commencé le Hellfest en 2015, je les ai vus combien de fois? Mastodon. Oh merde. Ah, le con. Oh, j'ai fait la boulette. Bon. Tu feras un bip. Non, bah du coup... Ah, Tenaille, ouais, de quel groupe on va parler? Hey, pourtant, je crois que je l'ai dit. Faut m'écouter un peu aussi. Oui, pardon. Hein, pardon, mais je suis fatigué. Bah ouais. Donc, on va écouter quel groupe? Mastodon. On va écouter. Oh, j'ai eu raison. Oh, j'ai dit quoi? On va écouter quel groupe? Non, t'as pas dit de bêtises. Bon, bah en tout cas là, tout de suite, on va vous parler de Mastodon. Et oui, donc on va parler de Mastodon, qui est donc venu au Hellfest, comme je le disais, 4 fois. Et donc moi, j'ai eu le plaisir de les découvrir. En fait, parce que Mastodon, je connaissais pas tant avant de les voir en live. Même si, bien sûr, Bob et Parsi m'en avaient moult fois parlé. Je n'avais pas pris le temps d'écouter, donc je les ai découverts directement en live en 2015, sous la vallée à l'époque. J'avais pris une claque monumentale. Vraiment, ah ouais. J'ai fait... En live? En live, ouais. Ah, j'ai ouais, vraiment un truc de malade. Et j'ai été les revoir en 2022, où ils étaient en main stage. Et franchement, j'y allais à reculons parce que, oh, main stage, j'aime pas les main stage. Et pourtant, j'ai été faire des photos. Et franchement, devant, en main stage, mais ça a trop, trop, trop bien marché. Ah ouais? Ah ouais, c'était un truc de malade. Mais avant de retourner sur des avis de groupe, je te propose un petit peu de découvrir vite fait, à savoir que Mastodon est un groupe états-unien. Ah oui. Ouais, qui joue du sludge metal, metal progressif, un peu de stoner, et qui s'est formé en 99. Ah alors, oui. Eh oui. Donc à la base, en fait, c'est après le déménagement de Brian Taylor, le batteur, et du guitariste Billy Killier à Atlanta. Mm-hmm. Là-bas, ils font la rencontre du bassiste et chanteur Troy Sander et du guitariste et chanteur Brent Hind au concert Date on Fire. Ok. Donc, c'est rigolo. Date on Fire. Ouais, c'est un groupe dont on a déjà parlé, ouais. Date on Fire. Et en fait, d'un côté, Bill et Bran, c'est d'anciens membres des groupes Léthargy et Today is the Day. Ah, c'est marrant. Ah, c'est les liens. C'est les liens, ouais, les liens. Ouais. Et Brent Hind et Troy Sander, quand t'as eu, jouaient auparavant dans un groupe nommé Social Infestation. D'accord. Donc, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont commencé à former Mastodon, et directement, bah, ils ont un petit peu, comment dire, bah, trouvé leur style, leur marque, avec leur influence commune, qui sont venus vraiment à la fois se compléter, mais en même temps évoluer tout au sein de la discographie du groupe. Et c'est un peu là-dessus que je vais surtout me consacrer. Mm-hmm. Je vais juste revenir vite fait à savoir que bah, depuis 2000, en fait, les membres n'ont pas changé, sauf en 2025, où bah, le groupe a remercié Brent Hind en disant, bah voilà... Je vous en remercie. Ils l'ont pas tout à fait dit comme ça, ah. Mais ça s'est un peu mal passé. Ah non, remerciant, oui. Voilà. Ah, oui, j'ai... D'accord. Et depuis, c'est Nick Johnson qui remplace. Et Brent Hind, malheureusement, est décédé dans un accident de moto plusieurs mois plus tard. Ah. Donc on a perdu non seulement Christ. Un énorme musicien, d'accord. Mais apparemment il devait avoir quelques problèmes d'alcool, parce que j'ai lu aussi que par exemple dès la première répète de Mastodon, il est arrivé totalement bourré, il a pas pu jouer. Ah merde. Après c'est pareil, voilà. Mais ça c'est une, et je l'ai lu dans un truc qui date de bien avant qu'il se fasse virer. Donc ouais. c'est pas une phrase de rancœur. Oui, voilà, oui c'est bien une phrase sûr. De... Mais c'est assez connu normalement qu'il avait quelques problèmes de ce côté-là et d'accord. De comportement une fois lié à l'alcool. Ah ouais, ok. Et une fois viré du groupe, lui il a posté un message que de toute manière il voulait plus avoir affaire avec ce genre d'individu en parlant un peu mal du groupe. Ok, d'accord. Mais je voulais revenir, donc je vais revenir un peu sur les albums parce que ce que je trouve en plus de leur musique qui est intéressant, c'est tout ce qui est un petit peu autour. Tu vois par exemple pour A Remission, leur premier album sorti en 2002, il y a Troy Sander qui déclare que le thème de l'album c'est l'élément du feu parce que les albums sont souvent rattachés à un élément. Ah ok, d'accord. Ok, le feu, l'air, la terre, enfin ces genres d'éléments là. Voilà. Ah oui. Mais ça reste quand même un des seuls albums qui n'est pas considéré comme un album concept. Il y en a un autre, celui qui sortira en 2011, Hunter, qui lui non plus n'est pas un album concept, sinon d'accord. Les autres le sont tous. En tout cas pour Émission, dès lors, donc le batteur a expliqué que c'était un petit peu un album qui l'a aidé à faire face à la mort de sa sœur. Ma sœur s'est suicidée quand j'avais 15 ans. Elle en avait 14. Je n'ai jamais pu mettre ce truc n'importe où. Toute cette douleur que je portais à l'intérieur. La douleur de la perte avait toujours été là. Avec Today is the Day, il y avait beaucoup de colère impliquée. Après cela, je ne voulais pas être en colère. Lorsque j'ai commencé à jouer à Mastodon et que j'ai déménagé à Atlanta, il y a eu une grande guérison personnelle. Mastodon avait beaucoup à voir avec ça. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'album s'intitule Rémission. Mmh. La rémission signifie le pardon et la guérison. Mastodon m'a aidé à le faire, pardonner beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie. D'accord. Tu vois. Donc il y a vraiment beaucoup de sens qui est donné dans la musique et ce qu'ils veulent proposer en tant qu'œuvre. Léviathan, le deuxième album, donc est sorti en 2004. C'est le premier album donc conceptuel du groupe, qui est basé pour le coup sur le roman de 1851 Moby Dick d'Herman Melville. Ok. Et donc bien sûr son élément est l'eau. Ouais. Tu vois. Ok. Bah oui, le troisième album Blood Mountain, qui est sorti en 2006. D'ailleurs tu peux noter quand même 2002. 2004, 2006, il y a une espèce de régularité. C'est un album concept. Il s'agit d'escalader une montagne et les différentes choses qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes bloqué sur une montagne dans les bois et que vous êtes perdu, vous mourrez de faim, vous hallucinez, vous vous heurtez à d'étranges créatures, vous êtes chassé. Il s'agit de toute cette lutte. Le guitariste Bill, il vient rajouter, pour lui, ça représente l'album Terre. Tu vois, voilà. Évidemment, chercher l'élément là. Crack the Sky, donc quatrième album sorti en 2009. Ils ont un peu plus leur temps là. Ah oui. Il représente l'élément de l'éther, qui est représenté par les âmes et les esprits de toutes choses. Et, d'accord. Et c'est un thème qui est étroitement apparemment lié au contexte de l'album, parce que les éléments du feu, de l'eau éthérée ont déjà été pris. Puis l'éther, c'est un élément qu'on n'en parle pas assez. Hein. C'est justement ce qu'ils disent, comme ils ont fait un peu des trucs feu, eau, terre. Là, ils ont été plus sur un autre élément. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'était dans Las Vegas Parano. Donc, ils disent que c'est un écart par rapport à tout ce qu'ils avaient enregistré précédemment, dans le sens où nous nous sommes en quelque sorte attachés sur nos aérochelles et sommes partis de la Terre pendant un certain temps. Puis nous avons été arrivés à l'élément éthéré de l'univers et avons en quelque sorte dormi sur le toit du monde pendant un certain temps pour avoir une perspective sur ce disque. Fondamentalement, nous explorons le monde éthéré, nous disséquons la matière noire qui domine l'univers en un mot. Interrogé dans plusieurs interviews, Taylor a déclaré que le disque racontait une histoire traitant de l'esthétique, de l'art, de la Russie tsariste, des voyages astro, des expériences hors du corps et des théories de Stephen Hawking sur les trous du ver. Des trous de verre, pardon. Oui. Alors, attention, accroche-toi à ce qui te reste de slip. Voilà. L'histoire un peu. Il y a un paraplégique et la seule façon dont il peut aller n'importe où, s'il voyage c'est s'il voyage astralement. Ça, déjà, bon point de départ, pas mal. Bon, okay. Donc il sort de son corps, dans l'espace, et un peu comme Icare, il s'approche trop du soleil, brûlant le cordon ombilical doré qui est attaché à son plexus solaire. Mmh. Il est donc dans l'espace atmosphérique. Oula. Et il est perdu. Il est aspiré dans un trou de verre. Il se retrouve dans le royaume des esprits et il parle aux esprits en leur disant qu'il n'est pas vraiment mort. Il l'envoie donc au culte russe. Il l'utilise dans une divination et il découvre son problème. Ils décident qu'ils vont l'aider. Ils ont mis son âme dans le corps de Rasputin. Rasputin va usurper le tsar et il est assassiné. Les deux hommes s'envolent hors du corps de Rasputin à travers la fissure dans le ciel et Rasputin est l'homme sage qui essaie de conduire l'enfant à la maison jusqu'à son corps parce que ses parents l'ont découvert maintenant et pensent qu'il est mort. Wow. Rasputin doit le remettre dans son corps avant qu'il ne soit trop tard, mais ils finissent par rencontrer le diable en cours de route et le diable essaye de voler leur âme et de les faire tomber. Il y a quelques obstacles en cours de route. J'ai déjà pété la ficelle de mon truc depuis longtemps, hein, je l'ai. Moi, je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû croiser les mecs de Blue Incantation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, c'est le moment où on fait tut. Bref, The Hunter est cinquième album studio. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un album qui n'est pas censé être un album concept. Mm. D'accord. Mais il s'appelle The Hunter, donc le chasseur, en l'honneur du frère de Brent Hine qui est mort à la chasse au moment où il réalisait l'album. Voilà. Donc, c'est pas un album, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas d'élément là. Non, non, il n'y en a pas sur celui-là, en tout cas, où je ne l'ai pas noté. En décembre 2012, petit fun fact, ils ont écrit une chanson pour le film Monstre Academy. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ouais. Eh bien. En plus, je le savais, mais je l'avais oublié, donc ça m'a fait replaisir de le découvrir. Et on l'entend dans le dessin animé, du coup. Ouais, on l'entend. Ah ouais? Donc. Puis après, waouh. Après, il y a eu Emperor of the Sun, si je dis pas de conneries, septième album de studio, donc qui est un petit peu le point d'orgue de leur discographie. J'en ai oublié un, c'est point... ça? Non, du tout, il en reste encore. Le point d'orgue, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, j'entends que c'est vraiment l'album le plus. C'est l'album qui a vraiment cartonné pour eux, quoi. C'est celui d'accord. qui s'est le plus vendu, il a vraiment, vraiment marché. Okay. Le concept et l'histoire de l'empereur de sable suivent un vagabond du désert qui a été condamné à mort. Les thèmes de la mort et de la survie sont tissés dans les paroles des chansons qui étaient aspirées par les expériences que les membres du groupe ont eues lorsque la famille et les amis ont récemment reçu un diagnostic de cancer. À la fin de l'histoire, la personne meurt simultanément et est sauvée. D'accord. Il s'agit de passer par le cancer, de passer par la chimiothérapie et toutes les choses qui y sont associées. Je ne voulais pas être littéral à ce sujet, mais tout est là, vous pouvez lire entre les lignes. Et du coup, après il y a eu encore un album qui est sorti, Hust and Grim, qui est sorti en 2021. Ouais. Parce que Medium Rarities, il compte pas. C'est une compilation en fait. Ah oui, c'est un peu comme le dernier là, Crack the Sky là. Bah non, Crack the Sky, c'est pas. Ah, 15e anniversaire. Voilà. C'est pas la même chose. Donc c'est quand même, comment dire, c'est moi le dernier, je trouve qu'il commence un peu à dénoter un peu avec les autres. Enfin, il dénote pas, mais. Il va vers une autre voie qui n'était pas celle que je trouvais qui avait été annoncée par justement Emperor of Sand. Okay. Mais bon, ça c'est pour dire. J'ai pas la thématique de cet album, j'ai pas dû bien la noter. Ce qu'on peut aussi noter qui est intéressant, c'est que plus ils avancent dans les albums, plus tu vois que par exemple, le batteur, il prend la place de chanteur. Au début, il fait. Bah, en fait, ils sont trois à chanter dans le groupe. Hein. Ah ouais. Il y a un des guitaristes, il y a Brent Hine qui est plus là, qui chantait. Il y a Troy Sander qui chante. Et plus on avance, plus le batteur chante. Et au tout début, où il chantait un petit peu, après, il a commencé à chanter des chansons en entier. Ah ouais, okay. Et à la fin, il écrivait même des textes et tout. Donc, c'est vraiment devenu un groupe qui mélange vraiment un peu toutes les personnalités du groupe, en tout cas. Okay. Ce qui permet justement d'avoir des morceaux aussi variés que ça. Quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Après, ils ont eu pas mal de participations aussi dans leurs albums. Hein. Il y a eu du Josh Homme. Là, tout à l'heure, le truc qu'on entendait pendant l'extrait, il y a le chanteur de Clutch. Ah oui, d'accord. Neil Furlong, je crois. Ok, je te fais confiance. Il y a eu beaucoup de. Il y a aussi le chanteur de Neurosis, si je ne dis pas de bêtises, qui est venu plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un groupe qui est déjà musicalement hyper intéressant parce qu'il propose beaucoup de choses. Et en plus, ce qui au début était un groupe qui a traîné sur des petits labels, s'est retrouvé assez rapidement à signer chez Warner, qui est un gros truc. Et pourtant, à aucun moment, leur musique a été, comment dire, orientée vers quelque chose de beaucoup plus commercial. Ah oui, d'accord. Du fait qu'ils aient signé vers Warner, voilà. Ils auraient peut-être pu être imposés ou... Effectivement, sur Emperor of Sand, il y a vraiment une chanson, leur premier single, dont j'ai oublié le titre, est vraiment très, très, très mainstream et passe-partout. Mais sur le reste de tout ce qu'ils ont dans leur album, ça se ressent pas. Donc, on peut dire que c'est la signature qui les a pervertis. Mmh. Et même, je trouve qu'il n'y a rien de perverti dans leur groupe. Donc, moi, c'est un groupe que j'adore, que j'écoute pas tant que ça au quotidien, mais que j'aime beaucoup et dont j'ai pris quand même une claque deux fois en live, que ce soit sous la vallée et en main stage. Donc, c'est un groupe qui m'a convaincu et qui est vraiment plus que bien. Même si là, on a perdu Brent Hind, on a perdu vraiment un énorme guitariste, et ben, c'est un groupe que j'ai quand même forcément toujours envie de revoir. Ouais. On sait à quel point Bob et Parsi, qui n'a jamais vu le groupe. Hein? Elle n'a jamais eu l'occasion de les voir. Bah non, elle n'était pas en 2015. Elle a peut-être dû le dire en plus. Ouais, je crois. Ouais. Mais du coup, la question, la suivante, maintenant, Tonight, toi, Mastodon, qu'est-ce que t'en as pensé? Pendant que je prends un petit peu de temps. Abreuve-toi. Alors, Mastodon, c'est marrant parce qu'avec un nom pareil, c'était pas du tout le style que je lui attribuais. Brutal Alors, Death. Mais, je sais pas trop, mais c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être un truc comme ça, tu vois, mais. Juste de nom, c'était pas le style que je lui attribuais. Donc, alors bon, pour le coup, pourtant, Parsi nous en a parlé, a vanté vraiment ses sons à un groupe de qu'elle adore et tout. Bah, petite parenthèse, je suis sûr que si à un moment donné, dans une des émissions à venir de Road to Hellfest, ils décident, enfin les gens du podcast décident de parler de leur coup de cœur, je suis sûr qu'elle parlera. Ah, il y a de grandes chances. Hein. On l'a déjà entendu plusieurs fois, donc je pense pas que. Je pense que t'as raison. Et donc du coup bah je suis content pour le coup d'avoir découvert Mastodon parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et du coup super agréable surprise quoi après il y a une grosse discographie dis donc il est fort ce café donc ça a pas été j'ai peut-être pas tout écouté tu vois parce qu'il y a énormément de choses à découvrir mais en tout cas tout ce que j'ai écouté ça a été vraiment excellent quoi et en plus super varié quoi tantôt planant tantôt agressif toujours dans leur style un petit peu un peu stoner et etc ouais planant j'ai déjà dit hein. Tu as déjà dit mais non franchement super découverte tous les albums que j'ai écoutés ça m'a donner envie de me dire dis donc Tonight écoute un peu plus Parsi quoi merde écoute même les femmes en général merde il a raison écoute après Parsi dis pas que t'es bêtises hein ah mais j'ai jamais dit ça parle pas tout le temps de football footballeur de sport. Non, franchement je suis carrément content d'avoir découvert enfin Mastodon parce qu'en plus c'est un nom qu'on voit partout quoi bien sûr. Je veux dire, et tu sais qu'ils vont jouer à Toulouse. Ils vont jouer à Toulouse ? Ouais, ils viennent jouer à Toulouse. Oh ? Ouais, peu de temps après le Hellfest, ils jouent en première partie d'Anthrax en plus. Ouais, cousin, si jamais tu m'entends... Attends, moi j'ai une place où dormir à Toulouse en permanence. Ah, toi aussi ? Ouais. Parce que moi j'ai de la famille là-bas. Moi j'ai mon meilleur pote là-bas. Ah ouais ? Ouais. Ok. Loin, hein. Qui viendra si jamais ça souffle, fait long l'aller-retour. Hein ? Pour ceux qui sachent... C'est la ref. Il y en a certains qui l'ont peut-être et tout. Du coup, Tonight. En tout cas, je suis trop content et Mastodon. Alors presque immanquable. Parce que je sais que je pense il y a de grandes chances pour qu'on y soit tous les quatre. Moi, j'ai surkiffé. Alors laisse-moi te dire que ça sera en Valais, donc on sera un peu plus que quatre. Ouais, j'imagine bien. Ah ça va être relou, je pense même là. Ah tu te rends pas compte. On va se retrouver séparés. Non, mais temps en temps. Je pense qu'il va falloir être de bonheur, de très bonheur. Ah oui. Mastodon en Valais, en tête d'affiche. Ah ouais, ça me fait un peu peur ce que tu me dis. Ah, la dernière fois que j'ai vu la Valais surblindée, rappelle-toi. Je m'en souviens très bien. C'était même pas trop tard en plus, hein. C'était en plein après-midi. Ouais, hein. Mais là, on s'est fait surprendre. Maintenant, on s'est fait surprendre. Là, on se fera pas surprendre. Ouais. Mais ça serait quand même con parce que là, du coup, on parle du concert de Brutus où c'était surpeuplé. En fait, on avait déjà vu, donc ça va. Ouais. Tu vois. Mais ça fait partie des, je crois, 3-4 concerts où j'ai pas pu me rendre. Ah, bah non, mais clairement. Et là, ça ferait chier pour Mastodon, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi. On se place bien en avance. Non, dis pas. Je pense qu'on n'est pas obligé d'y aller de bonne heure. Je pense que les gens peuvent arriver tard. Enfin, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, non, non, ouais. Oui, on va tous arriver à la dernière minute, vous inquiétez pas. Ouais. Ouais, ouais. Clairement. Ça sert à rien. Il y aura personne. Il y aura clairement. Personne. Clairement. Clairement. On rejoindra ouais. Parti parce que, voilà, à mon avis, oh, bah, elle va pas nous écouter. Heures, ah, ouais. On est devant, on est devant. Mais ça commence dans 3 heures. M'en fous. Ah, mais s'ils ont raison, là, pour le coup, là. Ah ouais, c'est clair. Autant des fois, je suis, oui, ah, ça va. Mais là, oui, là, je, bon. Ouais. Bon, du coup, Tana, on se retrouve là-bas, alors. Ah, je sais pas. Non. Non? Non. Non, t'arrêtes. Ça dépend de. Écoute, merci beaucoup, Tana. Bah, de rien. On se retrouve dans une prochaine capsule. Allez, on fait ça. Allez, bah là, on peut. Allez. Ah, allez. Oh, non, t'as les mains. Ouais, c'est. Ouais. C'est... ouais. Allez. On me le dit ouais, souvent. Ouais, et bah, écoute, Tana, à la prochaine. Ouais. Et merci encore, c'était très sympa. Salut, Tana. Salut.